terrain. Au bout de terrain, toi Féline, tu ronronnes dans un soupir. Moi j'inspire le long de ta colonne et je te sens câline. Et dans ton souffle, je commence à sentir. Caresse mon amour.